Matignon, bonjour. Oui, allô? Allô, allô? Allô? Cinquante-sept rue de Varennes. De François Perrache. Troisième saison. Avis de tempête. Pour que les dieux s'amusent beaucoup, il importe que leurs victimes tombent de haut. Rue de Varennes. 14e épisode. C'est général ou mon général? Les hommes disent mon général. Les femmes et les civils peuvent dire général ou monsieur. Ah, les femmes et les civils. Oh merde, mon portable! Oh non, j'ai laissé mon portable sur mon bureau. Non mais moi j'ai besoin de mon portable là, vous me faites partir comme ça en plein milieu de... Oui madame, j'envoie quelqu'un chercher. Lieutenant. Mon général. Apportez mon téléphone cellulaire qui est resté sur le bureau de Mme Kervelec. À vos ordres, général. Ah, et mon lieutenant, prenez aussi le dossier qui est resté ouvert sur mon bureau, s'il vous plaît. Le rouge très épais. Merci, lieutenant. Je peux pas tout laisser en plan comme ça, là, général. Allez-y. Qu'est-ce qui se passe, hein? Ils ont encore envoyé des mails, c'est ça? Vous savez, depuis que je suis présidente du Sénat, je reçois en moyenne 2 ou 3 menaces d'assassinat par semaine. Autant de demandes en mariage, donc vous n'allez pas me mettre à l'abri à chaque fois qu'il y a un malade... D'abord, on va où, là? Il est où, mon officier de sécurité? Votre OS nous suivra dans le convoi, madame. Mais c'est nous qui prenons le relais. Mais qui ça, nous? Non, mais j'ai jamais vu autant de flics et de milis d'un coup, là. Il y a eu un attentat, c'est ça? Oh, je vous parle, là. Vous m'emmenez où, là, à la fin? Non, mais répondez! Je suis chargé de vous escorter jusqu'au Conseil constitutionnel, madame. Où vous resterez sous la protection du GSPR, en attendant les instructions du secrétaire général. Quoi? Sous la protection du quoi? Quelles instructions? Cotam 1 ne répond plus. Non mais je comprends rien là, qui répond plus? L'avion du président de la République est porté disparu, madame. Disparu? Montez, s'il vous plaît. Le président disparu? Non mais attendez, ça veut dire que je vais... Oui, madame. Mes amis, la journée va être longue. Très longue. Je ne veux pas vous faire perdre de temps avec un résumé fastidieux. 4 mots suffisent. Le président est mort. Son avion qui le ramenait de New York a disparu dans la tempête au-dessus de l'océan. Conformément au 7e article de la loi fondamentale qui régit la vie politique de la République française depuis presque 70 ans, c'est la présidente du Sénat, Tiphaine Kervelec, qui assurera l'intérim. Rien ne se passe comme prévu pour notre pauvre héros, le Premier ministre Pablo Mercadal. Il croit encore que ce coup du sort va accélérer son ascension alors qu'il précipite sa chute. Nous sommes le 3 janvier. Il est, si je ne me trompe, 17h et Pablo Mercadal quitte son domicile pour se rendre au rendez-vous de son destin. Bon, Pablo, on active, on active. Bonjour, monsieur le Premier ministre. Et David? Il est dans la voiture, on t'attend. Attention, il y a les photographes. Allez, monte. À Matignon. Oui, monsieur. Salut, David. À cheval, messieurs, Giraud, Deton et Pleinbourg. Matignon par Montparnasse, c'est invalide. Affirmatif, reçu. Essaye de pas les écraser, quand même. C'est bien? Ouais. Ah, c'est encore l'Elysée, le secrétaire général. Laisse sonner. Ça fait 3 fois qu'il appelle. Laisse sonner, je te dis. Tu veux voir mon texte, David? J'ai juste changé la dernière phrase pour faire plus personnel. Très bien. Ça va pas ta cravate, là, Pablo? Mais si. Non, trop clair. Fais voir ta cravate, David. Ouais. Non, les rayures, c'est pas possible pour les télés. La couleur, bonjour. Je transmettrai à ma femme, ça lui fera plaisir. C'est un cadeau de Noël. Ta femme, elle t'offre des cravates à Noël. Ouais, une par an. Et des bouquins que j'ai pas le temps de lire. La chair est triste, hélas, et j'ai plus de place dans ma bibliothèque. Et Stéphanie, des nouvelles? Pas moi. Je crois, monsieur, que mes collègues ont vu votre épouse à Matignon ce matin. Ah bon? Faites voir votre cravate, vous. Pardon, madame? Votre cravate. Ouais, elle est noire, c'est très bien. Passez-la au Premier ministre, s'il vous plaît. Oui, madame. Je crois que le SG t'a laissé un message. Fais-nous écouter. Ah, vas-y, mets-le au parleur. C'est verrouillé. C'est quoi ton code ? 1, 2, 3, 4. Tu plaisantes, là ? Bah, j'ai suffisamment de trucs à retenir entre le prix du ticket de métro et du pain au chocolat. Non, bah, 1, 2, 3, 4. Oh, bah, c'est bien la peine de vous filer des téléphones ultra sécurisés. Bon, Laurence, tu peux pas me raccourcir cette putain de cravate ? Allez, donne-moi ça. Calme-toi. Il sera peut-être temps que tu apprennes à faire... Reçu aujourd'hui à 17h04. Monsieur le Premier ministre, je désespère de vous joindre. Nous avons encore beaucoup de détails à régler. Nous vous attendons. Enfin, j'imagine et j'espère que vous êtes en route pour le Palais Royal. Madame Kerbelec ne devrait plus tarder. On me dit que la rue de Varennes serait noire de monde, donc je ne sais pas qui dans votre équipe a cru bon de convoquer la presse, peut-être Madame Vignon. L'enfoiré. Mais évidemment, je vous rappelle que vous ne pouvez faire aucune déclaration avant la publication du communiqué officiel du Conseil constitutionnel. C'est ça. Sur les ordres de finaliser. Alors, on vous attend donc, dans la salle des séances de l'aile Montpensier, monsieur le Premier ministre. A tout de suite. Fin de message. Qu'est-ce qu'on fait ? On maintient la conférence de presse ? Mais bien sûr, on maintient. On va perdre 2 heures si on commence par le Conseil constitue. En même temps, il est très clair. Je peux pas passer outre. Mais je veux me gêner. C'est pas un fonctionnaire qui va me dire ce que je dois faire. Mais t'as pas intérêt à braquer Tiffaine d'entrée de jeu. Je maintiens que ce serait plutôt à elle de faire la première déclaration. Non mais arrêtez de m'emmerder avec votre Tiffaine Kerbelec. On va la laisser faire de la figuration à l'Elysée pendant 3 semaines, mais si elle bronche, je la désingue. Perverse. Tiffaine ? Tu plaisantes ? C'est peut-être la fille la plus saine que je connaisse dans le milieu. Et Joséphine Lassalle ? Quoi, Joséphine Lassalle ? Arrêtez avec ça, c'était des rumeurs. Non, c'est pas des rumeurs, Laurence. Tiffaine Kerbelec a été la maîtresse de Joséphine Lassalle pendant des années. On a les preuves. T'avais rien d'autre à foutre, David, quand t'étais place Beauvau, que tu as des petites filles sur tout le monde ? Non, elle a toujours caché cette relation, c'est bien qu'elle a des trucs à se reprocher. Elle vient d'une famille bretonne hyper catho. Je comprends qu'elle ait pas envie de faire son coming out. Tiffaine a été la maîtresse de Lassalle. Et alors ? C'est grave ? Elle couche avec qui elle veut quand même. Mais si c'est grave, Kerbelec était l'assistante parlementaire de Lassalle. Et quand Lassalle est morte, elle a récupéré son siège au Sénat. C'est comme ça qu'elle a été élue. C'est de l'opportunisme politique. Peut-être qu'elle s'aimait. Et on s'en fout en plus. C'est sa vie privée, merde. Avec ce qui vient de t'arriver, Pablo, je comprends pas que tu puisses ne faire... Ne mélange pas tout, Laurence. On va pas comparer ma situation avec celle de Kerbelec. Puis on a d'autres trucs sur elle. Quel truc ? D'autres trucs ? Pardon, monsieur, on arrive aux Invalides. Oh, regardez, il y a des camions satellites jusqu'au musée Rodin. Allez, c'est parti. Je fais la conférence. Pablo. À Matignon. Oui, monsieur. On prend à droite sur rue de Varennes. On fait ça où ? On les a mis salle Pompéienne. Il y avait trop de monde. Ils attendent depuis 1 heure. Bah, tu vois, on peut plus les faire attendre, ces braves journalistes. Ok. La coiffure, ça va ? Ça ira. Mais il faut que tu passes au make-up. Non, très bien, si j'ai l'air un peu fatigué. Je pars devant voir si tout est en place. Vous passez par derrière. Pablo, essaie de mettre un peu de poudre quand même. Tu vas briller à l'image. C'est pas terrible. Stéphanie ? Mais qu'est-ce que tu... J'avais des journalistes. Je me suis dit que tu passerais par là. Bon, je vais voir à l'intérieur où ils en sont. C'est dans le vrai, mon président ? Ouais. Enfin, ils ont envoyé des bateaux et des satellites. En plein milieu de l'Atlantique, ça va prendre des semaines pour retrouver l'avion. Si on le retrouve. Ça doit être une mort horrible. Ouais. T'aurais pas de la poudre, s'il te plaît ? Quoi ? Là, dans ton sac, t'as pas un peu de poudre ou du fond de teint ? Ah oui. Toujours. Si. Tiens. Non, elle est un peu parfumée, hein, mais bon. Ça ira, t'aurais pas un miroir ? Non, mais laisse. Je vais t'en mettre. Bouge-toi un peu vers moi. Oh, merci. J'avais tout prévu, mais pas ça. C'est dingue, quand je disais ce sera lui ou moi, et ce sera moi, je pensais pas que j'aurais raison de cette façon-là. Mais qu'est-ce que ça change ? Comment ça, qu'est-ce que ça change ? Pour ta campagne. Oh, rien. Ferme les yeux. Rien. Ça va accélérer les choses, c'est tout. Plus tard, en mars, je suis à l'Elysée. Eh ben, tu seras le plus jeune de la 5e. Bravo. À 8 mois près. C'est Giscard qui va faire la gueule. C'est bien. Pas pour toi, je veux dire, c'est bien. J'ai toujours su que ça arriverait. J'aurais préféré gagner à la loyale. À la loyale, toi ? L'essentiel, c'est de gagner, comme tu dis. Voilà. Je peux ouvrir les yeux, j'ai fini. Et pour nous deux ? Pour nous deux, qu'est-ce que ça change ? Qu'est-ce que tu viens faire ici, Stéphanie ? te maquiller. Trouver un deal. Je veux les photos. Toutes. Et que tu fasses ce qu'il faut pour qu'elles sortent jamais. Jamais, Pablo. C'est pas non plus dans ton intérêt. Mon intérêt, je m'en occupe. Tu les auras, tes photos. J'avais pas l'intention de les mettre sous cadre. Et en échange, qu'est-ce que tu proposes ? En échange ? C'est bon, on discute. Mais c'est toi qui as parlé de deal. Alors ? Je rentre dans le rang. Et une fois à l'Élysée, je m'engage à être une première dame exemplaire. Tu me donnes une fondation à présider et tu me laisses faire mes concerts, c'est tout ce que je te demande. Pour le reste ? Pablo, pardon, Laurence me dit qu'on est prêt. On a les faisceaux avec toutes les chaînes, c'est quand tu veux. Ils sont chauds bouillants. Vas-y, Pablo. Continue la conversation tout à l'heure. Je te propose pas de venir avec moi. Ça ferait un mélange des genres. Oui. On verra ça plus tard. Vas-y. Vas-y, Pablo. T'attends. Je me glisserai dans la salle tout à l'heure. Pablo, ton speech. Allez, go. Ce n'est pas plus mal qu'il l'ait annoncé, je n'aurais pas à le faire moi-même. Je ne sais pas si j'en aurais eu la force. Bon, allons-y, finissons avec ce communiqué. Vous avez une proposition à nous faire. Oui, alors, j'ai fait ressortir le seul précédent qu'on ait dans nos archives. Je vous lis. Alors, le Conseil constitutionnel constate à la suite du décès le 2 avril 1974 à 21h de M. Georges Pompidou, président de la République, que sont réunies les conditions prévues à l'article 7 de la Constitution relative à l'exercice provisoire des fonctions du président de la République par le président du Sénat. Il déclare que s'ouvre à partir de cette date le délai fixé par ce même article pour l'élection du nouveau président de la République. Oui, très bien. Mais il faut mettre suite à la disparition, pas suite au décès. Bonjour. Bienvenue, Madame Kervérec. Et bonjour, Madame la Présidente. Installez-vous, je vous en prie. Merci. Pablo, il n'est pas là ? Oui, il devrait plus tarder. Je peux avoir un verre d'eau ? Oui, nous étions en train de préparer le communiqué qui sera soumis au vote du Conseil. Nous proposons de le calquer sur celui du Président Pompidou. Très bien, très bien. Comme vous voulez. Mais c'est pas un peu précipité, tout ça ? On n'a toujours aucune nouvelle du président ? Non, madame. L'état-major n'a plus aucun espoir. L'avion est perdu. Bonjour. C'est tellement... Et soudain... Et injuste. Oui, on est tous bouleversés. Mais... Salut, Tiffany. Monsieur. Bonjour, monsieur le Premier ministre. On est bouleversé, mais il faut avancer maintenant. Et nous avons pu écouter à la télévision votre allocution, monsieur Mercadal. Très touchante. Vous n'avez pas reçu mes messages. Un message ? Ça passe très mal dans la voiture. Donc, comment on procède ? Le président du Conseil constitutionnel va vous expliquer tout en détail. Monsieur Joiton. Oui. Et d'abord, désolé de vous réunir dans ces circonstances dramatiques. Oui, Jacques, vous le savez, était un ami. Bien. Comme le souligne Monsieur le Premier ministre, nous nous devons d'assurer la bonne marche des affaires de l'État. C'est ce que le président aurait voulu. Et c'est ce à quoi la Constitution nous oblige. On se trouve évidemment dans le cadre d'application stricte de l'article 7. Je vous en épargne la lecture, mais je vous ai fait imprimer un exemplaire pour mémoire. Mais il ne faut pas attendre la confirmation de la mort du président pour... Non, madame. si vous regardez le début de l'article, justement. En cas de vacance de la présidence de la République, pour quelque cause que ce soit. Et en l'espèce, la vacance est malheureusement caractérisée. Donc, on connaît la procédure, là, sur l'intérim jusqu'à l'élection. Très bien. Effectivement, Madame Kervélec assurera, dès publication de notre délibéré, les fonctions de président de la République, avec quelques réserves que je me dois de vous rappeler aux uns et aux autres. C'est mon rôle. En particulier dans le cadre de cet intérim, et ce, jusqu'à l'élection, je vous rappelle que les articles 11 et 12 ne sont plus applicables. Pardon, mais vous pouvez préciser, là ? 11, tu peux pas convoquer de référendum, 12, tu peux pas dissoudre l'Assemblée. En gros, t'es juste là pour tenir la boutique. Et donc, quand ? Élection ? Certaines réserves, monsieur le Premier ministre, concernent également l'action du gouvernement durant cette période particulière. Je vous rappelle notamment la non-applicabilité de l'article 49. Y compris le 49.3 ? L'ensemble des alinéas de l'article, oui. Il vous faudra une majorité forte à l'Assemblée, monsieur le Premier ministre, si vous voulez toujours faire passer votre réforme de la fonction publique ce mois-ci. Vous en doutez ? Non, mais peut-être renoncerez-vous à cette réforme en pleine campagne électorale, si tant est que vous soyez candidat. Si tant est. Vous serez fixé très vite. Le suspense est haletant. Bon, on a fini le cours de droit constite ? Il y a encore, pour aller à l'essentiel, deux autres précisions à vous apporter. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle, monsieur le Premier ministre. La bonne, c'est que l'article 50 est également suspendu. Ah, 50 ? Mais tu pouvais pas te faire offrir la Constitution pour les nuls à Noël ? L'article 50, quand même, merde ! Le Sénat, ça te concerne. Ça suspend la possibilité de dépôt d'une motion de censure contre le gouvernement pendant votre intérim, madame la présidente. La présidente, il faudra que je m'habitue, hein. Enfin, pour 3 semaines, ça ira. C'est déjà comme ça que t'es censé m'appeler depuis que j'ai été élu au Sénat. Mais sauf qu'au Sénat, tu me déranges pas beaucoup. On fait la sieste ensemble pour les questions au gouvernement, une fois le mardi, une fois le jeudi, on souffle un peu, on est bien assis, c'est sympa. Là, on va se taper la presse, le Conseil des ministres, l'international, les réunions à Bruxelles et tout le toutim. C'est plus la même, crois-moi. Va falloir changer de braquet, ma cocotte. Monsieur le Premier ministre, j'aimerais ne pas avoir à vous rappeler à vous les articles 8, 9 et 13 de cette même Constitution. Et le respect que vous devez à la fonction présidentielle, fut-elle intérimaire, dont découle votre autorité ? C'est bon, monsieur le secrétaire général, c'est pas la peine de... Je suis juste un peu étonné que la présidente du Sénat découvre l'article 50... Je ne découvre pas, Pablo. Simplement, je suis stressée. Alors, j'ai pas tous les articles en tête. Non, allez, enchaînons, la journée va être longue. Je te demande pardon, Tiphaine. Je me suis emporté. Moi aussi, je suis stressée. Puis 3 semaines, c'est vite passé. Commençons pas à nous engueuler. C'est même pas sûr que je reste à Matignon. Alors, ce serait quand même plus simple pour moi, Pablo, si tu pouvais expédier les affaires courantes, que j'ai pas à te trouver un remplaçant jusqu'aux législatives. Non, ça, pour le coup, c'est encore moi qui décide. Pour Matignon, t'inquiète, c'est pas les candidats qui manqueront, même pour quelques semaines. Et je vais pas rester pour tes beaux yeux. Et donc, monsieur le Président, la mauvaise nouvelle, c'est quoi ? Mauvaise nouvelle toute relative. Il s'agit de la suspension de l'article 89. 89 ? Ça me dit rien. Je sers jamais celui-là. Il concerne les projets de révision de la Constitution qui sont donc interdits durant l'intérim. Ah, ok, c'est pas très grave. J'avais pas l'intention de faire un coup d'État. Bon, on a fait le tour là, donc quand ? Il faut une élection le plus vite possible, non ? Alors, l'article 7, toujours lui, prévoit un délai de 20 à 35 jours à compter de la vacance. Donc 20, c'est parfait. On fait le premier tour le dimanche 23. Sauf que la date formelle de début de vacances du pouvoir est fixée par un délibéré voté à la majorité des membres du Conseil sans procuration possible. En français ? Oui, ça va un peu vite pour... Ben, notre délibéré aura lieu au mieux demain matin, plus sûrement demain après-midi. Ce qui nous laisserait seulement 19 jours de campagne avant le 23 janvier. C'est en dessous du minimum prévu par la loi. Je préconise Mais donc... Mais pourquoi vous ne pouvez pas voter aujourd'hui ? On aurait nos 20 jours. Oui, alors, un de nos membres est parti pour les fêtes à l'étranger, assez loin. Même en envoyant en avion du GLAM... Mais pour info, le GLAM, ça a changé de nom en 95. Et c'est qui ? Qui est en vacances ? Le président Fournier. Il a été prévenu, mais il est en Thaïlande. Vous êtes en train de me dire qu'on va repousser l'élection parce qu'un ex-président de la République subclaquant a voulu fêter Noël à Pattaya. C'est la loi, monsieur le Premier ministre. Le délibéré ne peut pas avoir lieu avant demain au plus tôt. Je préconise donc un premier tour le dimanche 30 janvier, voire le dimanche 6 février. Le 30 janvier ? Mais vous savez très bien que l'intersyndicale a déposé un préavis pour cette date. Vous nous voyez organiser l'élection avec 2 millions de personnes dans la rue ? Ils seront déjà dehors, ils n'auront plus qu'à aller au bureau de vote dans la foulée. Mais t'es drôle en fait, Tiphaine. Je sens qu'on va bien s'amuser tous les deux. Le 30 janvier, c'est une blague. Je ne vais pas être candidat avec le même jour des cortèges qui demandent ma démission. De nombreuses possibilités s'offrent à vous, monsieur le Premier ministre. Vous pouvez démissionner dès aujourd'hui pour vous consacrer à votre campagne, ou vous pouvez renoncer à votre réforme. Ou je peux demander au préfet une interdiction de manifester le 30. Ah bon, tu peux faire ça. Trouble à l'ordre public ou autre chose, on trouvera. Quoi qu'il en soit, nous n'allons pas adapter la Constitution à votre agenda politique. La loi stipule 20 jours de campagne minimum, pas 19, le 23 janvier est donc exclu. Mais puisque M. le Premier ministre souhaite aller vite, ce à quoi je suis également favorable dans l'intérêt du pays, je propose que le premier tour de l'élection soit fixé au dimanche 30 janvier. Pas d'opposition? Bien. Madame Kervelec vous assurerait pendant ces 26 jours l'intérim de la présidence de la République. Si vous souhaitez me conserver au poste de secrétaire général de l'Élysée durant cette période, je serais honoré de pouvoir vous apporter mon aide. Je ne doute pas que, dans cette épreuve que traverse le pays, vous pourrez compter sur l'indéfectible soutien du Parlement et sur celui du gouvernement. C'était juste pour te dire que je pense bien à toi en ce moment. Je sais pas quand tu rentres de New York. T'es peut-être déjà dans l'avion. Ici, c'est un peu la folie, hein, je te raconterai. Bon, allez, je t'embrasse, Hakim. À bientôt. Appelle-moi dès que t'es rentré à Paris. Bisous. Vous pouvez mettre la radio, s'il vous plaît? Oui, madame. Newt, un nouveau flash a pris une page de publicité. Nous reviendrons bien sûr en détail sur les conséquences de l'annonce du Premier ministre. Vous pouvez mettre autre chose. Suite à la disparition de l'avion. Édition spéciale consacrée à la disparition du président. Ah non, pas cette cruche. Ici, en studio, vient de nous rejoindre le chef du service police. Je suis pas du tout d'accord avec cette analyse. Je veux dire, la première et principale conséquence de ce drame, c'est que Pablo Mercadal a désormais parti gagner. Mais c'est faux, Isabelle. Enfin, et vous savez très bien, une élection n'est jamais acquise. Vous avez du feu. Les derniers scrutins dans tous les pays d'Europe ont bien montré que les électeurs déjouaient toujours les pronostics. Mais qui, je veux dire, qui, dites-moi, qui vraiment désormais pourrait prendre la place de Pablo Mercadal? Hein? Donc, personne. Voilà. Donc, moi, je vous l'annonce, alors je prends pas beaucoup de risques, que les deux finalistes de la présidentielle seront Nadine Bousquet et Pablo Mercadal. Et dans cette hypothèse, excusez-moi, qui est aujourd'hui quasi certaine, c'est évidemment Mercadal qui va l'emporter haut la main, et vous le savez très bien, Isabelle, tout le monde le sait dorénavant. S'il vous plaît, voilà. Isabelle. Et merde. Allô, Pierre-Yves? C'est Laurence. À suivre. Rue de Varenne. De François Perrache. 14e épisode. Louis-Do de Langsin. Chris Nyanguna. Laure Calamy. Philippe Pierrard, Jessica Wedel, Eric Caruso, Emeline Bayard, Valérie Dashwood, Grégoire Osterman, Philippe Magnan, Élodie Vincent, Florent Houlier, Jean-Christophe Fraîche, Cécile Ribot-Cayol, Claire Dumas, Pierre Carbonnier et Delphine Léonard. Bruitage, Sophie Bissant. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Remerciements à la SACD, Société des auteurs et compositeurs dramatiques, pour leur soutien et leur accueil. Prise de son, montage et mixage, Stéphane Desmonts, Émilie Couette. Assistante à la réalisation, Yaël Mandelbaum. Réalisation, Cédric Ossir. It's bad, you know.